Chapitre 7. À Paris, les pauvres gens habitent surtout les quartiers excentriques, les quartiers qui, avant la suppression du mur d'enceinte, se trouvaient en dehors des limites de l'octroi, et où, par conséquent, il faisait moins cher vivre. Et quand les pauvres gens quittent ce monde, on les enterre de préférence au-delà des fortifications. Les grands cimetières, situés dans l'intérieur de la ville, sont à l'usage exclusif des privilégiés, qui ont le moyen d'acquérir un terrain à perpétuité. On y a bien réservé un coin séparé pour la fosse commune, de même qu'on est obligé de souffrir que les indigents circulent sur les grands boulevards. Mais la classe moyenne des morts, celle qui ne peut acheter qu'une concession temporaire, n'y est plus admise. On l'a reléguée dans les deux cimetières suburbains de Saint-Ouen et d'Ivry. Au village, le champ du repos appartient à tous. Le valet de ferme y dort dans la même terre que le seigneur du château. Les distinctions sociales finissent à la tombe. Et dans Paris, la ville égalitaire par excellence, les riches seuls ont le droit de laisser leurs eaux. On y tolère encore les misérables, passagèrement. De même que pendant leur vie, la charité publique leur accorde l'hospitalité d'une nuit. Mais on ne tarde guère à bouleverser leur triste sépulture pour faire place à d'autres. Le peuple a protesté en baptisant de noms bizarres les enclos lointains où l'on a exilé les morts. Il appelle Cayenne le cimetière de Saint-Ouen. Il appelle celui d'Ivry le champ des navets. Ivry est sinistre, c'est là qu'on enfouit les guillotinés. Saint-Ouen n'est que triste. Le Père-Lachaise, Montmartre et le Montparnasse ont un caractère. Les cyprès ont eu le temps d'y pousser. Les monuments funéraires ne ressemblent pas tous à des bâtisses neuves. La mousse verdit les pierres tombales des générations qui ont précédé la nôtre. Il y a des souvenirs dans l'air. Saint-Ouen date, pour ainsi dire, d'hier. Saint-Ouen n'a pas d'histoire. C'est un jeune cimetière, un cimetière banal, et dépourvu de toute majesté. Dans la plaine désolée qui s'étend au nord de Paris, on a pris un terrain quelconque, on l'a entouré de murs, et on l'a livré aux fossoyeurs. Pas d'arbre qui le distingue des champs voisins. C'est sec et nu, et ce n'est pas silencieux. On y entend le sifflet des locomotives, la trompette des tramways, et même les orchestres des guinguettes. Car à partir de la barrière, le chemin qui y mène est bordé des deux côtés de cabarets et de bals champêtres. Sur cette route poudreuse, le lendemain de la visite que M. Paulet et sa fille avaient faite à l'atelier, roulait vers midi une voiture de place, dont l'intérieur était occupé par Paul Freneuse et Pia Astrodi. Binos, perché sur le siège, causait avec le cocher. Freneuse aurait bien mieux aimé se priver de la compagnie de ce rapin, dont les allures débraillées et le langage inconsidéré lui étaient devenus insupportables. Mais Binos avait assisté à l'enterrement de Bianca, et sans lui, Freneuse n'aurait pas pu retrouver l'endroit où reposait la victime du crime de l'omnibus. Ou du moins, il lui aurait fallu demander ses renseignements au conservateur du cimetière. Et il trouvait plus simple de se faire conduire par Binos, qui d'ailleurs avait juré la veille de se tenir convenablement, de respecter la douleur de Pia, et surtout de ne pas la désoler davantage, en lui racontant que Bianca avait été assassinée. Après le brusque départ de la belle Marguerite, les deux artistes avaient eu ensemble une conversation animée, et même orageuse. Freneuse avait reproché à Binos d'avoir annoncé brutalement à Pia la mort de sa sœur. Binos s'était moqué des délicatesses de Freneuse et de la préférence qu'il accordait à une petite poseuse, qui selon lui n'était pas digne de servir de femme de chambre à la splendide et opulente Mademoiselle Paulet. Binos déclarait qu'il fallait être fou pour dédaigner ce Rubens échappé de son cadre, et pour brûler ses vaisseaux, comme Freneuse l'avait fait, en prenant le parti de la pauvre italienne. Sur quoi Freneuse s'était fâché tout rouge, et lui avait signifié de ne plus se mêler de ses affaires, et de ne jamais lui parler du meurtre, vrai ou supposé, de Bianca Astrodi. Binos ne demandait pas mieux que de se taire, par la raison qu'il avait promis à Piedouche de garder le secret sur ses opérations passées et futures. Binos avait accepté de bonne grâce les conditions que lui imposait son ami, et on avait fini par s'entendre. Il avait été convenu que le lendemain, on irait tous ensemble à Saint-Ouen, et qu'après la visite à la tombe, Binos laisserait Freneuse seule avec Pia. La malheureuse enfant était horriblement changée, et elle ne cessait pas de pleurer, quoi que fît son ami pour sécher ses larmes. Il était allé de bon matin la chercher rue des Fossés Saint-Bernard, chez le père Lorenzo. et elle avait failli s'évanouir en le voyant apparaître sur le seuil de la chambrette qu'elle occupait au dernier étage de la maison. C'était la première fois que Freneuse mettait le pied dans cette chambre dont le modeste ameublement avait été acheté avec l'argent que Pia gagnait en posant pour lui. Et dans un autre temps, la veille encore, sa présence y aurait apporté la joie. Mais l'enfant n'était plus la même depuis qu'elle connaissait l'affreuse nouvelle apportée par Binos. Elle pâlit en voyant Freneuse, elle chancela, mais elle eut la force de se dérober quand il s'avança pour la recevoir dans ses bras, et elle resta devant lui immobile et muette. On voyait qu'elle était frappée au cœur. Son ami dit doucement qu'il venait lui demander de l'accompagner au cimetière, où il allait porter des fleurs sur la tombe de Bianca. Mais il s'abstint de faire la moindre allusion à la visite de M. Poulet et à l'étrange attitude de sa fille, qui s'était conduite dans l'atelier comme si elle eût été en pays conquis. Il crut devoir s'abstenir aussi de lui raconter la scène qui s'était passée dans l'omnibus et la part qu'il y avait prise. À quoi bon raviver par ce triste récit les douleurs de la pauvre fille? Et qu'importait à Pia que la mort de sa sœur fût vengée? Freneuse d'ailleurs doutait encore que cette mort fût le résultat d'un crime, et il aimait mieux penser le contraire. Pia se remit assez vite, mais à la grande surprise de l'artiste, elle hésita d'abord à le suivre. Pour la décider, il fallut qu'il lui rappelât que, sans lui, elle ne pourrait jamais trouver la fosse où reposait sa sœur. Le voyage avait été silencieux jusqu'au moment où le fiacre s'était arrêté sur la place Pigalle, à la porte de la maison de Freneuse, et à deux pas de l'endroit où, quelques jours auparavant, Freneuse s'était aperçu que la jeune fille, qui s'appuyait sur son épaule, n'était plus qu'un cadavre. Mais là, comme Freneuse descendait de voiture pour appeler Binos, qui l'attendait au café le plus prochain, Pia avait murmuré « Non, non, je n'irai pas ». L'artiste avait deviné qu'elle s'était jurée à elle-même de ne plus entrer dans cet atelier où Mademoiselle Poulet devait revenir, et cette découverte lui avait donné à réfléchir. Binos était survenu, mais il s'était volontairement relégué sur le siège, et Freneuse s'était retrouvée en tête-à-tête avec sa protégée qui persistait à se taire. Ils arrivèrent sans avoir échangé une parole, à l'entrée d'un chemin très court qui part de la grande route pour aboutir au cimetière. Binos sauta à terre et vint ouvrir la portière. Pia évita de s'appuyer sur son bras pour descendre, et Freneuse ne fut pas trop surpris de la répugnance qu'elle montrait à accepter les services de ce mauvais garçon, qui, la veille, n'avait eu lieu que pour la belle Marguerite. Il y avait là des gens de divers métiers qui vivent de la mort, marbriers tenant boutiques d'urnes funéraires et de colonnes tronquées, jardiniers vendant des pots de fleurs, guides médaillés pour faire visiter aux étrangers les beautés du cimetière, sans compter les cochers de Corbillard, occupés à se rafraîchir au cabaret du coin. L'apparition de Pia mit tout ce monde en rumeur. La pauvre enfant n'avait pas pris le deuil. Elle ne pouvait pas le prendre. Il lui aurait fallu, pour se conformer à l'usage, s'habiller à la française, et elle ne possédait pas d'autres vêtements que ceux de son pays natal. Elle portait donc la coiffe blanche et la jupe rouge des femmes de Subiaco. C'est un costume qu'on rencontre souvent dans les rues du quartier des Martyrs, mais très rarement à la porte des cimetières. Les filles des Abruzzes meurent pourtant, tout comme de simples parisiennes, et l'on aurait pu croire que celles-là venaient attendre à la porte du cimetière de Saint-Ouen, le convoi d'une de ses pareilles. Mais la présence de Freneuse ne s'accordait guère avec cette supposition. L'élégance de sa tenue ne permettait pas de penser qu'il fût parent de la petite aux cotillons écarlates, et cependant il était descendu de voiture avec elle. Il est vrai que Binos, avec sa vareuse et son chapeau mou, pouvait fort bien passer pour un modèle en disponibilité. Freneuse s'aperçut qu'on les regardait un peu plus qu'il ne l'aurait voulu, et il se hâta de faire ses achats. Il n'avait que l'embarras du choix. Des marchandes en plein vent étalaient toutes sortes d'objets de mauvais goût. Couronnes d'immortelles, couronnes de fausses perles, cadres en verre abritant des bouquets artificiels. Rien de tout cela ne lui plaisait, et il s'adressa à un jardinier qui lui vendit 4 pots de fleurs fraîches, et qui lui fournit un commissionnaire pour les porter. Mais Pia était restée en arrière pour marchander une petite croix de perles noires qu'elle paya de son argent. Binos, qui n'achetait rien, et pour cause, avait pris ses devants. Il était déjà dans le cimetière, et Freneuse fut assez surpris de voir qu'il appelait de la voix et du geste une femme qui marchait devant lui. Une femme affublée d'un vieux tartan tout passé et coiffée d'un chapeau extravagant, un chapeau comme ceux qu'on portait du temps où les manches à gigot étaient à la mode. « Est-ce qu'il va nous servir encore un plat de son métier ?» se demanda Freneuse, Qu'est-ce que c'est que cette vieille sorcière accoutrée, comme les ânes savants qu'on exhibe dans les foires ? Et il me fait la farce de l'accoster au moment où nous allons entrer dans le cimetière. En vérité, cet animal-là ne respecte rien, et j'ai eu bien tort de l'amener. Il est vrai que je ne pouvais pas me passer de lui. Allons bon, voilà maintenant qu'il m'amène sa diseuse de bonne aventure. Il est fou, ma parole d'honneur. Vilos, en effet, avait passé son bras sous celui de la vieille, et la traînait plutôt qu'il ne la conduisait, car elle ne paraissait pas très disposée à le suivre. Pia cependant s'avançait pour rejoindre Freneuse, mais elle s'arrêta dès qu'elle vit le rapin revenir sur ses pas, flanqué de cette étrange compagnonne. « Il est capable de mettre en fuite cette pauvre enfant, » dit entre ses dents Freneuse. « Je vais mettre ordre à ces facéties déplacées. » Et il alla droit à Binos qui lui cria « Je te présente mademoiselle Sophie Cornu, qui m'honore de son amitié et qui a payé de sa poche le terrain où repose Bianca Astrodi. « Madame Cornu, je vous présente mon ami Paul Freneuse, artiste du premier ordre, reçu à toutes les expositions et trois fois médaillé. » La vieille regardait de tous ses yeux Freneuse, qui donnait au diable Binos et ses présentations. « À la bonne heure, » grommela-t-elle, « voilà ce que j'appelle un peintre. C'est vous qui avez votre atelier dans cette grande maison, sur la place Pigalle ? Je vous connais bien, je connais tout le quartier. Est-ce vrai que vous êtes l'ami de ce propre arien de Binos ?» Freneuse était rouge de colère, et peu s'en fallut qu'il ne tournât le dos à Sophie Cornu. Mais elle ne lui laissa pas le temps de répondre. « Bon, reprit-elle, qui ne dit mot qu'on sent. Je vous demandais ça parce que vous avez l'air d'un monsieur, vous, au lieu que Binos. Après ça, vous lui faites peut-être nettoyer votre palette. Et la petite là-bas, c'est une poseuse, hein ?»« Comment, respectable Madame Cornu, dit le rapin, vous ne devinez pas qui c'est ? Regardez-la un peu et cherchez la ressemblance. » La logeuse se mit à examiner Pia, qui n'osait faire un pas. Et elle s'écria « Tu as raison, mon gars, c'est tout le portrait de ma défunte locataire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite que c'était sa sœur ? Tu m'as pourtant assez parlé d'elle hier à l'enterrement de Bianca. Appelle-la donc au moins que je l'embrasse. » La Cornue avait la voix claire, et Pia devait entendre ce qu'elle disait. Freneuse s'interposa pour arrêter les effusions de la vieille. « Madame, lui dit-il sévèrement, cet enfant est accablé de chagrin, et je vous prie de mesurer vos paroles. Je sais que vous avez eu la charité de faire enterrer sa sœur à vos frais, mais vous devriez comprendre que vous l'affligez en lui rappelant ce triste souvenir. Je n'ai pourtant pas l'intention de lui faire de la peine, et la preuve, c'est que je ne vais plus souffler un mot. Tant que nous serons dans le cimetière, car après, il faudra bien que je cause avec elle, et même qu'elle vienne chez moi chercher la malle de sa sœur. Mais la tourmenter, il n'y a pas de danger. Vous ne me connaissez pas, vous. Mais demandez à Bino si je suis méchante. Tenez, savez-vous pourquoi je viens ici ce matin ? Je viens causer avec un marbrier pour qu'il taille une jolie pierre, qu'on mettra sur la tombe. C'est un soin qui me regarde, dit vivement Freneuse. Ah, mais non. Si vous voulez, nous partagerons les frais. Mais je tiens à payer. Et puisque je suis là, vous ne m'empêcherez pas d'aller voir si le jardinier a porté les fleurs que je lui ai commandées hier. Oh, soyez tranquille, je ne vous gênerai pas. Je vais marcher devant. Binos me donnera le bras. Vous nous suivrez avec la petite. Freneuse aurait eu plus d'une objection à formuler, mais cet arrangement le débarrassait de la vieille et du rapin. Il la laissa filer, et il revint prendre Pia, qui n'avait pas bougé. Il la trouva en pleurs, et il n'eut pas le courage d'entamer des explications. Ils suivirent ensemble l'allée que Sophie Cornu et Binos avaient prise. Le commissionnaire, portant les pots de fleurs que Freneuse venait d'acheter, formait l'arrière-garde. Pia avait essuyé ses larmes et marchait d'un pas ferme. Mais elle ne disait rien, et elle ne levait pas les yeux. Après avoir dépassé un rond-point qui se trouve à peu de distance de l'entrée du cimetière, ils entrèrent à la suite de Binos et de la vieille dans un chemin que bordaient d'un côté trois rangées de tombes de modeste apparence et de l'autre un vaste champ au milieu duquel on voyait une longue tranchée qui venait d'être ouverte tout récemment. Cette tranchée, c'était la fosse commune. Au-delà, il y avait comme une forêt de croix de bois noir, de misérables croix, serrées les unes contre les autres, comme l'avait été dans la grande ville, où la place manque, les pauvres dont elle marquait la tombe, des croix déjetées, courbées, presque déracinées par le vent. On voyait de loin des femmes errer à travers ce funèbre labyrinthe, à la recherche de la place où reposait un mort aimé. On les voyait se baisser pour lire les noms à demi effacés par la pluie, et tomber à genoux sur la terre fraîchement remuée. Paul Freneuse se rappela que sans cette vieille femme, qu'il avait si mal reçue, le corps de Bianca aurait été jeté dans ce fossé banal, qui sert de sépulture aux abandonnés. Il se dit que si Pia pouvait venir prier sur une tombe séparée, elle devait cette consolation à Sophie Cornu, et la logeuse de la rue des Abbesses lui parut moins laide et moins ridicule. En la regardant avec plus d'attention, il découvrit même que sa physionomie n'était pas antipathique. « Elle a raison, pensait-il. Pia ne peut pas se dispenser d'aller retirer la malle et les papiers de Bianca Astrodi, car enfin il apporte que cet enfant s'assure que la morte était bien sa sœur. Il faut absolument que je la décide à faire certaines démarches indispensables. Et elle paraît peu disposée à m'écouter. Je serais presque tenté de croire qu'elle m'a prise en aversion. Mais elle n'a pas ouvert la bouche depuis que nous sommes partis de la maison du père Lorenzo, et elle n'a fait que pleurer. C'est peut-être la présence de Binos qui la désole. Pourvu qu'il ne lâche pas quelque allusion à la fin tragique de Bianca, il est si bavard. Heureusement, je n'aurai plus besoin de lui quand il nous aura menés à l'endroit où elle est enterrée, et je le prierai tout simplement de s'en aller. Je pourrais même le renvoyer dès à présent, puisque Sophie Cornu sait où est la fosse. Mais il me demanderait pourquoi, et je n'ai pas envie d'entamer des explications avec lui, tant que nous serons dans le cimetière. Binos, d'ailleurs, avait pris les devants. Il marchait si vite que la vieille avait beaucoup de peine à le suivre, et il lui tenait sans doute des propos intéressants, car il ne cessait de gesticuler avec une animation extraordinaire. « Que diable peut-il bien lui dire ?» se demandait Freneuse. « Il est capable de lui raconter le drame de l'omnibus, et je vois d'ici ce qu'il résulterait de ses indiscrétions. » La Cornu irait colporter l'histoire dans tout le quartier, et ses bruits finiraient par arriver aux oreilles du commissaire, qui ouvrirait une enquête. La justice s'en mêlerait, et ils en viendraient peut-être à ordonner l'exhumation de cette malheureuse Bianca. Pia en mourrait de chagrin. Et Dieu sait à quoi servirait cette abominable cérémonie. Je parierais maintenant qu'il n'y a pas eu de crime, et que ni l'homme de l'impérial, ni la femme de l'intérieur n'ont à se reprocher la mort de la jeune fille. Ils étaient ensemble au spectacle, quoique la veille ils n'eussent pas l'air de se connaître. Qu'est-ce que ça prouve, qu'ils ont fait connaissance dans la rue, en sortant de l'omnibus? D'ailleurs, je saurai le nom de l'homme et son adresse quand je voudrai. Il me suffira de demander ces renseignements à M. Poulet. Quant à l'épingle, Binos a rêvé qu'elle était empoisonnée. Mirza a dû mourir tout simplement d'une convulsion. C'est la maladie des chats. Tout en lâchant ainsi la bride à son imagination, Freneuse continuait de cheminer à côté de Pia, plus taciturne que jamais, et il tâchait de ne pas se laisser trop distancer par Binos, qui marchait en éclaireur, flanqué de Sophie. Bientôt l'avant-garde tourna à droite, et Freneuse s'engagea après elle dans une allée latérale que bordait une rangée de cyprès rabougris. Cette allée devait conduire à la fosse de Bianca, car on voyait déjà qu'on entrait dans la partie réservée aux concessions temporaires. Les terrains avoisinants n'avaient plus l'aspect désolé du champ concédé aux sépultures indigentes. Et cependant, ce n'était pas un quartier habité à perpétuité par des défunts opulents. Il n'y avait guère là que des entourages en bois, point de marbre, peu de pierres tumulaires. À quoi bon des monuments à des morts qui ne sont locataires que pour 5 ans? Mais beaucoup de tombes avaient été fleuries récemment, et l'on rencontrait des femmes qui s'en allaient. L'arrosoir en main soignait le jardinet planté par elle sur la fosse d'un enfant. Après avoir fait 100 pas dans ce chemin étroit, Binos et la vieille s'arrêtèrent et disparurent derrière un cyprès un peu mieux venu que les autres. « C'est là, » dit Freneuse en regardant du coin de l'œil Pia, qui était horriblement pâle. « Du courage, mon enfant, appuie-toi sur mon bras, et restons ici, si tu ne te sens pas la force d'aller plus loin. »« Merci, » murmura l'italienne, « j'irai jusqu'au bout, j'irai seule. » À ce moment, Binos reparut au bord de l'allée et leur fit signe d'approcher. Il n'était plus qu'à quelques pas de l'endroit. Ils avancèrent et bientôt Freneuse entendit la voix enrouée de Sophie Cornu qui disait « Comment, c'est vous, mademoiselle Blanchelaine? Je veux que le feu prenne à ma maison si je m'attendais à vous trouver ici. » « À qui diable en a cette vieille folle ?» se demandait Freneuse. Le rideau de cyprès l'empêchait de voir la personne à laquelle s'adressait madame Cornu, et le nom de Blanchelaine lui était complètement inconnu. Mais il l'enrageait d'avoir laissé Binos s'accointer d'une bavarde qui accostait une femme à 2 pas de la tombe de Bianca. Et il se promettait de fausser compagnie le plus tôt possible à la logeuse de la rue des Abbesses. Il continua cependant à avancer, et le rapin, qui s'était placé en sentinelle au bord de l'allée, lui montra du doigt un monticule pierreux, qu'on avait déjà entouré d'une balustrade en bois, payé sans aucun doute par la généreuse Sophie. À 2 pieds de cette clôture béait une fosse, fraîchement creusée, et plus loin une autre, puis une autre encore. Il y en avait 10 à la file, régulièrement espacée et prête à recevoir les morts du jour. C'était horrible à voir, et Freneuse fit de son mieux pour cacher à Pia ce vilain spectacle. La pauvre petite était bien pâle, mais elle eut la force de s'avancer jusqu'à l'entourage de la tombe de sa sœur, de s'agenouiller et de planter en terre la petite croix qu'elle avait achetée à la porte du cimetière. Puis elle se mit à prier à main jointe et le front appuyé contre la balustrade. Freneuse, afin de ne pas la troubler, recula doucement et rentra dans l'allée où il avait laissé l'homme chargé des 4 pots de fleurs. « Aide-moi à les porter, » dit-il à Binos en le tirant par la manche de sa vareuse. « Je ne veux pas que ce commissionnaire vienne troubler la prière de Pia. »« Bon, je les porterai bien, moi tout seul, » répondit le rapin. « Mais cette bonne Sophie a été volée. Le jardinier qu'elle a payé hier pour fleurir la tombe ne s'est pas dérangé. » « Elle est insupportable, ta Sophie. Est-ce qu'on vient dans un cimetière pour bavarder comme dans une boutique ? Et qu'est-ce que c'est que cette femme qui cause avec elle ?»« Ma foi, je n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est mise comme une princesse. La cornue a de belles connaissances. Hé, commissionnaire, avance à l'ordre, que je te débarrasse de tes potiches. » Pendant que Binot s'emparait des vases, Freneuse, qui s'était rangée pour le laisser passer, se trouvait adossée aussi près, derrière lequel se tenaient les deux femmes. Et il entendit ces mots prononcés par une voix claire. « C'est donc voir ce qu'on m'a dit, ma bonne mademoiselle Cornue, qu'une de vos locataires était portée à la morgue. Vous rappelez-vous que la dernière fois que vous êtes venu me consulter, je vous ai annoncé un malheur. J'aime mieux qu'il ne soit pas tombé sur vous. Mais j'étais inquiète, et je suis allée chez vous. Là, on m'a dit que vous étiez parti pour Saint-Ouen, et j'avais tant de désir de vous voir que j'ai pris une voiture pour vous rattraper. Je suis arrivée la première. » « Parbleu !» s'écria la cornue. « Moi, je suis venu en omnibus, mais vous saviez donc où la petite a été enterrée ?»« Oui, on m'avait dit son nom. Je suis entré chez le conservateur du cimetière, qui m'a indiqué l'endroit. Mais je vois que vous n'êtes pas seul. »« Non, j'ai rencontré à la porte un individu de ma connaissance, ce maigriot qui a une barbe de bouc. C'est lui qui m'a averti avant-hier que la petite était à la morgue. Est-ce que cette jeune fille qui prie sur la tombe est avec lui ?»« Oui, et avec un autre, un peintre. » « Où donc est-il passé ?»« Un peintre ?»« En effet, cet enfant est habillé à l'italienne, un modèle sans doute. »« Comme vous dites, mademoiselle Blanchelaine, et c'est la sœur de la morte. »« Sa sœur, ce n'est pas possible, » s'écria la dame. « Mais si, elle s'appelle Astrodie, comme l'autre, et elle lui ressemble, à croire que c'est elle. »« C'est étrange. » Freneuse n'avait pas perdu un mot de ce dialogue, qui ne lui apprenait rien sur l'ami de Sophie Cornue. Il s'étonna qu'elle prît tant d'intérêt à la mort de Bianca. Et il voulut la voir. Il remonta doucement l'allée, et il se glissa entre deux cyprès, de façon à se placer sur la même ligne que les deux femmes, mais à quelques pas d'elles. Pia priait toujours, et Binot se donnait beaucoup de peine pour faire passer les pots de fleurs par les interstices de la balustrade. À gauche, Freneuse aperçut d'abord le tartan de la cornue qui lui tournait le dos, puis une personne élégamment vêtue qui lui faisait face. Et il lui sembla à première vue que la figure de cette personne ne lui était pas inconnue. Il remarqua aussi qu'elle le regardait de tous ses yeux, et il devina qu'elle demandait son nom tout bas à mademoiselle Sophie. Tout à coup un souvenir illumina son esprit. « C'est la femme que j'ai vue à la porte Saint-Martin, le soir de la représentation des chevaliers du brouillard, » murmura-t-il. La rencontre était plus que singulière, et elle jeta Freneuse dans des perplexités infinies. Depuis quelques jours, il ne croyait plus au crime de l'omnibus. Et tout à l'heure encore, il venait de trouver d'excellentes raisons pour se démontrer à lui-même que les idées de Binos étaient absolument chimériques, et que Bianca Astrodi était morte d'une mort naturelle. Et maintenant tous ses soupçons lui revenaient. Pourquoi cette femme se trouvait-elle là, près de la tombe de Bianca? Les explications qu'elle donnait à Sophie Cornue avaient tout l'air de prétextes imaginés pour justifier sa présence. Pourquoi aussi s'était-elle écriée « Ce n'est pas possible !» lorsque la logeuse lui avait déclaré que la jeune fille qui priait était la sœur de la morte. Toutes ces réflexions, Freneuse les fit en une seconde, et il se demanda en même temps quel parti il allait prendre. Aborder cette femme et l'interroger? De quel droit? Il n'avait contre elle aucune preuve, et elle n'était pas tenue de lui répondre. Et puis une scène à 2 pas de Pia qui allait tout voir et tout entendre? Il y aurait eu de quoi tuer la pauvre enfant, dont la sensibilité n'était déjà que trop surexcitée. Ne valait-il pas mieux dissimuler ses impressions et observer d'un air indifférent la conduite qu'allait tenir la dame, qu'il avait tant de motifs de suspecter? Par la cornue qui est liée avec elle, je pourrais toujours savoir où elle demeure et ce qu'elle fait, pensait-il. Et même je n'aurais pas besoin de mener l'enquête moi-même. Binot s'en chargera très volontiers. Ce raisonnement très juste le décida à s'abstenir. Il se contenta de manœuvrer de façon à se rapprocher des deux femmes qui continuaient à causer. et quoiqu'elle parlasse assez bas, il put saisir ces deux phrases dites par l'inconnu. « Puisque vous êtes en compagnie, ma chère, je vais vous quitter, mais nous nous reverrons dans la journée. »« J'irai chez vous, » s'écria la logeuse. « J'ai un tas de choses à vous dire, et d'ailleurs, il y a longtemps que vous ne m'avez donné une consultation. »« À votre service, chère Sophie, seulement venez seule. » Et, se penchant à l'oreille de Sophie, la dame ajouta une autre recommandation que Freneuse n'entendit pas, mais qu'il devina. « Elle lui défend de me donner son adresse, » pensa-t-il. Sur quoi les deux amis se serrèrent la main à l'anglaise, et la mystérieuse personne s'en alla, sans avoir fait mine de s'apercevoir qu'il y avait là deux hommes qui l'examinaient. Carbilos avait fini par se préoccuper aussi de l'apparition de cette femme qui s'était montrée jusqu'au moment où ils arrivaient, et il se promettait bien d'interroger sur son compte la providentielle cornue. Pendant ce temps-là, Pia achevait sa prière et se relevait tout en pleurs. Elle resta quelques instants appuyée sur la balustrade, les yeux fixés sur la terre qui couvrait le corps de sa sœur. Puis elle se retourna vers Freneuse. Elle ne pleurait plus, et sa figure pâle avait pris une expression que son amie ne lui avait jamais vue. « Merci, lui dit-elle d'un ton ferme, merci et adieu. »« Comment adieu ? » s'écria Freneuse. « J'espère que tu ne vas pas t'en aller sans moi. Le fiacre qui nous a amenés nous conduira à Place Pigalle. Tu déjeuneras à l'atelier et après nous reprendrons la scène interrompue hier. »« Non, je ne poserai plus. » Freneuse allait se récrier, mais il se souvint à temps que la tombe de Bianca était là devant lui, et que ce n'était pas le moment de discuter avec une jeune exaltée qui sans doute ne tarderait guère à changer d'avis. « Eh bien, dit-il, je te donne congé aujourd'hui. Tu es profondément affligé, et il est trop juste que tu prennes un peu de repos. J'attendrai que ta douleur soit apaisée, mais tu me permettras bien de te reconduire rue des Fossés Saint-Bernard. » En passant par la rue des Abbesses, dit la cornue, qui s'était rapprochée sournoisement, il faut bien qu'elle vienne reconnaître les effets et les papiers de sa sœur. Je n'ai pas envie de les garder. « C'est inutile, madame, murmura l'enfant sans s'émouvoir. Je ne réclame rien de ce qui lui a appartenu. » « Tu auras beau ne pas réclamer la malle, je te la rendrai tout de même. Je sais maintenant où tu loges, et je te l'enverrai. Mais je n'ai plus rien à faire ici pour le quart d'heure, et il faut que j'aille sur la route de Saint-Ouen secouer ce gredin de jardinier qui a reçu mon argent et qui n'a pas seulement envoyé un pot de giroflées. Je file. « Pas sans moi, mademoiselle, s'écria Binos. Je m'attache à vos pas. » Il lui offrit son bras, et elle l'accepta en grommelant des paroles qui n'étaient certainement pas des compliments. Pia donna un dernier regard à la tombe où Binos avait planté les fleurs achetées par son ami et descendit dans l'allée. « Tout à l'heure, je vais la confesser, » se dit Freneuse en se plaçant près d'elle. Pia marchait les yeux baissés et persistait à ne pas dire un mot. Freneuse, décidée à employer les grands moyens pour la faire parler, attendit qu'ils fussent sortis de l'allée de Cyprès et lui dit doucement « Petite, tu me fais beaucoup de peine. »« Moi, » murmura l'enfant sans oser le regarder, « oui, toi. » « Je comprends que tu aies du chagrin et que tu désires te reposer pendant quelques jours, mais pourquoi ne veux-tu plus revenir à mon atelier? As-tu à te plaindre de moi ?»« Non, monsieur Paul, je n'ai reçu de vous que des bienfaits. »« Tu ne me dois pas de reconnaissance. Comment ne serais-je pas intéressé à toi qui étais seul au monde? Du moins, je le croyais. Et maintenant, ce n'est que trop vrai. Mais m'abandonner ainsi, je ne l'ai pas mérité, que je sache. Voyons, explique-toi. T'aurais-je blessé sans m'en douter ?» Pia tourna la tête pour essayer de cacher ses larmes. « Là, tu pleures. J'ai donc deviné. Je t'ai affligé involontairement. Eh bien, dis-moi ce que je t'ai fait, quand ce ne serait que pour m'empêcher de recommencer. Rien, monsieur Paul, vous avez toujours été bon pour moi, qui n'étais qu'une pauvre fille. Et je serais peut-être morte de faim si vous ne m'aviez pas recueillie dans la rue. Jamais je n'ai été si heureuse que depuis que je vous connais, et je ne le serai jamais plus. Alors, pourquoi veux-tu me quitter ? Parce qu'il le faut. » « Allons, ce n'est pas sérieux. Qui t'oblige à partir ? Je veux retourner à Subiaco. »« Et qui feras-tu à Subiaco ? Comptes-tu poser pour les peintres qui vont s'y établir pendant l'été ? Tu n'y gagnerais pas ta vie. Dans les montagnes, toutes les femmes sont si belles que les artistes n'ont que l'embarras du choix. »« Non, monsieur Paul, je ne poserai plus pour personne. Je reprendrai mon ancien métier, je garderai les chèvres. »« Tu es folle. Si tu avais encore ta mère là-bas, je m'expliquerais cette lubie. » « Mais s'il ne te reste plus même un parent dans ton pays, tu me l'as dit souvent. Et ici, personne ne m'aime plus. Alors je ne compte pas à ce qu'il paraît. Écoute, Pia, c'est fort mal à toi de parler ainsi. Et si je ne te connaissais pas comme je te connais, je serais tenté de croire que tu n'as pas de cœur. Comment ? Je t'ai toujours traité en ami. Je t'ai donné 1000 preuves d'estime et d'affection, et tu viens de but en blanc me déclarer que tu ne veux plus me voir. En vérité, je ne te reconnais plus. je pourrais te rappeler que ton départ me mettrait dans le plus grand embarras, puisque si tu ne posais pas, je ne pourrais pas finir mon tableau. » Pia éclata en sanglots, et Froneuse reprit avec une émotion sincère. « Mais j'aime mieux te dire que ce n'est pas seulement le modèle que je regretterais, si tu persistais dans ta résolution. Je me suis attaché à toi, et je prendrais mon atelier en horreur si tu n'y revenais plus. « Je ne peux pas, je ne peux pas, » dit l'enfant d'une voix étouffée. « Je le voudrais, mais c'est plus fort que moi. Vous avez bien vu que j'ai failli mourir hier. » Cette fois, Froneuse comprit. La vérité qu'il soupçonnait un peu lui apparut clairement. Et ce fut à son tour de se taire. Il cherchait un moyen de calmer Pia, sans lui promettre de fermer sa porte à Mademoiselle Paulet. Et il faut lui rendre cette justice qu'il pensait beaucoup moins à son exposition manquée qu'à la douleur touchante de la pauvre Italienne, qui s'était laissée aller à un amour sans espoir. Ils marchèrent silencieusement jusqu'au rond-point du cimetière. Minos, qui avait de longues jambes, avait pris les devants avec Sophie Cornu, qui trottinait comme un rat. « Consentirais-tu à poser encore pour moi ailleurs que dans mon atelier ?» demanda tout à coup Froneuse. Pia secoua tristement la tête. « Dans un endroit où je ne recevrai jamais que toi à 6 heures par jour. Je suis en retard et il me faut de longues séances pour être prêt à l'ouverture du salon, » ajouta-t-il en souriant. « Si je croyais que ce fût possible, » murmura la jeune fille. « Tu ne t'envolerais pas vers le pays des orangers, » acheva gaiement Froneuse. « Très bien, je n'en demande pas davantage. Jure-moi seulement que tu ne partiras pas sans me revoir et que tu attendras de mes nouvelles dans ta chambre de la rue des Fossés Saint-Bernard. » « Je vous le jure sur l'âme de ma sœur, » répondit Pia en levant sur lui ses grands yeux baignés de larmes. « C'est bien, je vais te débarrasser de Binos et de cette vieille femme. Tu m'accompagneras jusqu'à ma porte, jusqu'à ma porte seulement, et ensuite le fiacre te reconduira chez toi. » Froneuse avait eu une idée. Pia ne la devinait pas encore, mais elle ne pleurait plus.